Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre émission sur le disco et le funk. On va attaquer tout de suite par la découverte du jour. Rolls Royce, et non pas Rolls Royce. Vous connaissez ? J'en doute un peu. Ce groupe est originaire de Los Angeles et il va commencer sa carrière en 1973. Alors, elle sera connue pour ses tubes comme Car Wash et I Wanna Get Next to You. Le morceau que l'on va écouter s'intitule Is It a Love After? Ce dernier est célèbre pour avoir été samplé par le groupe S-Express. Ce groupe se sépare en 1989 après avoir publié pas moins de 10 albums. Le morceau que l'on va écouter est extrait de l'album Rainbow Connection 4. C'est parti! Sous son hit qui ont fait le disco. On va s'intéresser aujourd'hui à Evelyn Champagne King et son titre Shame. Alors, son histoire est un conte aussi féerique que Cendrillon. C'est la fille du chanteur Eric King, et elle commence à chanter à l'âge de 5 ans. Le chant et la musique vont rythmer toute son enfance. Un jour, à l'âge de 16 ans, elle part aider sa mère, qui est femme de ménage, dans les studios Sigma Sound. Pendant qu'elle travaille, elle se met à chanter. Un producteur passe dans les couloirs et il est séduit directement par ce grain de voix. Il ne tarde pas à lui décrocher un contrat avec RCA. Le surnom que donne sa famille à Evelyne est Bobol, la bulle en français. Pour la scène, elle souhaite un surnom un peu plus chic et prend alors Champagne. Vous voyez un peu le... comment le rapport. Son premier single, il est coécrit avec Teddy Pendergrass, il passe totalement inaperçu. Convaincu quand même du potentiel, le producteur réinsiste et sort Shame. Pour la rythmique, il engage le groupe Instant Funk. Dans le texte, elle chante qu'elle n'a pas honte d'aimer un homme malhonnête. Ouh là là là là. On y ajoute un groove énergique et ultra funky et cela devient culte. Shame est un tel morceau que Evelyn King raconte qu'il lui est impossible de faire un concert sans l'interpréter. C'est peu dire. C'était en 1977 et ça donnait ça. We'll be right back. La face B, on y revient de temps en temps et c'est toujours sympa. Un groupe que l'on n'a pas encore entendu cette année, ABBA. Thank You for the Music, originellement paru sur l'album ABBA, The Album, en 1977. Et en 1983, c'est devenu le single d'adieu du groupe. En 1978, elle a été incluse sur la face B du single Eagle. Alors, en 1983, la chanson Thank You for the Music donne son nom à l'album des plus grands succès d'ABBA. C'est sorti au Royaume-Uni et aussi dans d'autres pays en novembre 83. C'est le seul single mis en avant pour promouvoir cet album. Alors, le single est en fait maintenant considéré comme le single d'adieu du groupe ABBA. Bon, on va pas pour autant leur dire au revoir, car on n'en a pas fini avec vous. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song? That's what I mean. So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before. Maxi, j'ai envie de me faire un petit Michael Jackson. Et pourquoi pas son titre P.I.T. Pretty Young Thing. Alors la chanson elle apparaît sur le mythique album Thriller. Elle a été écrite par James Ingram, composée et produite par Quincy Jones. Elle est sortie le 19 septembre 1983, il faut être précis, en tant que sixième single issu de l'album. La chanson, elle est d'abord enregistrée sur un rythme modéré. C'est écrit par Michael Jackson et Greg Fillingham. puis ensuite elle est retravaillée avec de nouvelles paroles sur un rythme plus rapide, voulu par Quincy Jones, qui va devenir ensuite la version définitive, celle que nous connaissons. La première version, qui était une démo, on peut la retrouver sur l'album The Ultimate Collection, de Michael Jackson bien sûr, paru en 2004. La chanson, elle a été remixée pour un duo entre Michael Jackson et will.i.am dans Thriller 25, sorti en 2008. Cette version précédente présente un son et des paroles différentes du titre de l'album Thriller. Bon, allez, assez parlé, place à l'écoute. va finir par une pépite. Si je vous dis encore. Eh bien, c'est le titre d'une chanson de Cheryl Lynn. Vous savez, celle qui faisait les chœurs de Toto sur son premier album et qui chantait aussi Got to be Real. Encore sort en 1983 et est extrait de l'album Preppy. Rien qu'au rythme, on reconnaît bien la chanteuse. Je vais vous en laisser seul juge. Ha ha ha! va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.